bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy. Allô, allô, bienvenue dans le Lobster 139.1. Et oui, c'est enfin arrivé, ça arrive pas souvent. Je pense que c'est juste dans les pré-épisodes que c'est arrivé. Et oui, épisode 139.1. Tu sais, semaine après semaine, là, vous vous dites toujours... Pourquoi il a dit le Lobster 124.0, le Lobster 125.0? Mais le point zéro, c'est, je m'étais dit au départ, quand j'ai parti le Lobster, j'ai dit si jamais je suis un peu trop crinqué et que je fais plus qu'un épisode par semaine ou par mois, ben on dira 124.0, 124.1, 124.1, etc. Mais c'est quasiment jamais arrivé. Mais là, oui, épisode d'avant, j'ai beaucoup trop improvisé, là. Ben non, c'est le fun. Dans le fond, ça me laisse à penser que, dans le fond, je ne serais pas vraiment obligé de préparer mes sujets. Là, quand je suis parti sur quelque chose que j'aime, j'ai pas de misère à improviser et à vous en jaser. Mais bon, là, c'est fait. Vous êtes dans l'épisode du Lobster 139.1. Et comment on va débuter ça? Eh bien, pour fêter ça, pour fêter le fait qu'on est dans un point 1, je pense qu'on va y aller avec mon gros hit musical que je gardais pour la fin. Mais là, je pense qu'il faut fêter ça. C'est une chanson du groupe My Mind. C'est un groupe d'Italo-disco, synth-pop italien quand même. Là. C'est un groupe qui est originaire de Bologne, qui a eu ses heures de succès dans les années 80. Puis là, en 2018, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de repartir un peu. Ils ont fait une chanson que moi, je trouve magnifique, que j'ai découvert dernièrement. Mais bon, ça n'a pas pogné. Il y a 106 abonnés sur le page, puis 4 j'aime. C'est pas très bon. Mais bon, moi j'aime ça. Donc, on débute ce Lobster 139.1 avec un gros hit. La chanson Love is in the Sky du groupe My Mind. Yeah! Ok, on écoute ça. I try to play with fire and lead from day to day. It was the way to be. Living in the sky. I dance into the hell. I see your face defy. This was the when I fell. Had to keep myself in mind. I'm traveling the world. Travel on my life. Love is in the sky. I'm traveling your world. And my feet don't touch the ground. Where the arms are wrong with me. Don't wanna come back down. I'm traveling. I've traveled in the world, traveled all my life. Allô, allô, allô, réponds-moi. Allô, allô, réponds-moi. Dring, dring, t'es pas là. Alex est indisponible. Fermé, au revoir. On va attendre, il va peut-être me rappeler. Rappel. Oh, il rappelle! Comment elle répond? Salut! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, toi? Ben oui, qu'est-ce que tu fais de beau? Pas grand-chose. Antoine, lui, il joue au Lego. Ah, c'est le fun! Il y en a tellement! Non, ben, il y en a pas mal. On avait racheté, puis avec ce qu'elle t'a donné aussi. Bien sûr, là, des gars, il y en a beaucoup. Ben oui! Toi, tu fais quoi? Ah, moi, c'est tranquille. J'ai réparé mon piano ce matin. Ce matin, le piano, quand je pesais sur ma pédale de sustain, elle fonctionnait plus. Puis là, je pensais qu'elle était juste débarquée. C'est de la grosse technologie de 1898, là. Puis finalement, c'était l'ajustement. À force de peser dessus, ça, la petite vis était comme dévissée, puis il montait plus assez pour relever les marteaux. Fait que là, j'ai juste revissé le mécanisme. Mais ça m'a pris 20 minutes de comprendre comment ça marchait, là. OK. Tant mieux. Au moins, c'était correct. Ben oui, puis là, maintenant, quand je pèse, là, ça tient sa note. C'est beaucoup plus beau. Là, ça faisait quasiment une semaine et demie que je pratiquais, puis la pédale, elle faisait rien. Puis là, j'arrive à mon cours, elle dit « Ouais, tu fais pas très bien ta pédale. » Ben c'est sûr, je pratique dans le vide. Ouais. Sinon, du nouveau? Hier, j'étais allé à la fête de mon ami Martin. Il est 50 ans aujourd'hui. C'est le début, là. On peigne nos 50 ans, nous autres, là. Fait que... Ouais. Toi? Tu te tranquille? Ouais, on n'a pas grand-chose. Là, on n'a pas fait grand-chose de cohérent. T'as pas vu de nouveaux nains harmonieux ou disharmonieux cette semaine? Ça coupe, des fois. Je sais pas pourquoi. Ça coupe? Ah, moi, je t'entends bien. Genre, des fois, j'entends tes blocs Lego, là. C'est intéressant. Ouais, c'est ça. Non. Mais, c'est ça, t'as pas de nouvelles des nains harmonieux ou disharmonieux de ton quartier? Non, j'en ai pas. OK. Hey, tu sais à quoi je pensais? Ah, je sais plus. Je pense que j'ai pris une note au bureau, là. C'est pas grave, là. OK. Et, en tout cas, je vais checker, là. Je me rappelle d'avoir pensé à toi, puis je sais plus. T'avais des questions, quoi, sur les nains? Ouais, c'était des questionnements. OK. Moi aussi, je les écris quand j'ai des questions sur les nains. Je pense que j'ai mon fichier ici, j'ai tout ça. Question bizarre sur les nains. On peut en faire une ensemble. Est-ce qu'une photo de nain, c'est automatiquement... Encore, t'as pas moi, je vais essayer de... Peut-être les blocs Lego qui créent l'harmonie. Ouais, c'est... Ouais, les... Là, je sais jamais c'est nain, là, c'est ça. Est-ce qu'une photo de nain, c'est automatiquement une petite photo, d'après toi? Je réponds pas à cette question stupide. OK, mais sinon, j'ai une autre question. La dwarf matter, c'est-tu comme la matière noire, mais c'est de la dwarf matter? C'est vrai? Non, je réponds encore pas à cette question. OK, attends, une dernière avant qu'on se quitte, OK? Dans un bateau qui dérive sur la mer, qui est rempli de gens et d'un nain, est-ce que lorsque c'est rendu une question de survie... Juste, peux-tu te couper deux secondes? Oui? Pourquoi, tu sais, il y a des gens puis un nain? C'est pas une personne pour toi? Oui, mais c'est comme à Magic, c'est un type différent, tu sais, il y a les pirates, les humains, les nains. Donc, sur un bateau rempli de gens et il y a un nain parmi les gens, est-ce que lorsque c'est rendu une question de survie, on doit sacrifier le nain en premier pour le manger ou une personne de taille normale? De taille normale. Ouais, je sais que ça en donne plus, mais elle va pourrir plus vite, tandis que le nain, on est capable de le manger avant qu'il pourrisse, non? Ouais, mais ça dépend. Puis en plus, si c'est un nain disharmonieux, tu sais, avec plein de bosses puis de... Ouais. Il y a beaucoup de viande, là, il y en a peut-être plus. Ah oui, tu peux chiquer des bosses. Ah ouais, fait que tu sais, je sais pas. Ah ouais. OK. Mais il y a toujours d'autres solutions de s'en sortir hein, que de manger des nymphes. Ouais, non, mais c'est sûr. OK. Parce que tu peux t'en servir genre comme flotteur puis ramer. En tout cas, il y a d'autres possibilités. Ah oui, c'est ça. OK. Bon, ben merci. Puis en... sûr, hein, des ouais. questions comme ça, je suis sûr que t'enregistrais. Hein. Ah ouais, non, ben tu peux. Tu peux. Moi, je vois au-dessus de toi, on un micro. Oui, c'est... j'ai mal mis mon téléphone, tu vois mon micro. Oh, du coup. Ben, je te souhaite une belle journée. Salut. Salut, bye. Ben, c'est ça. Il a vu que j'avais un micro de caché. Et oui, premier sujet dont je voulais vous parler cette semaine, c'est je voulais vous parler de la série Fallout qui arrive sur Prime Video plus vite que prévu. Oh oui! Bon, je sais pas si vous connaissez le jeu Fallout. Bon, ça fait partie, et c'est un jeu qui a été fait par les studios Bethesda qui sont maintenant intégrés là, à Microsoft, qui nous ont donné par exemple le bon jeu Skyrim et dernièrement le tout nouveau, tout beau jeu Starfield dont je vous avais parlé. Donc, l'adaptation de ce jeu un peu culte là, ben, devrait arriver prochainement sur nos écrans via Amazon Prime pour nous raconter une histoire là, qui va se passer dans cet univers de jeu. Bon, il paraît quand même que c'est depuis 2020 que ça avait été annoncé. Moi, je m'en souviens pas, mais là, ce qu'on sait, c'est que la série va sortir le 12 avril 2024. Donc, c'est dans quand même pas loin. Si on, janvier, février, mars, avril, plus décembre. Dans 5 mois, on va avoir la série Fallout. Donc, c'est déjà tourné. Bon, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur la série, mais j'ai quand même vu certaines photos des lieux de tournage et on peut y voir bon, la fameuse station-service Red Rocket qu'on avait découvert dans le jeu. Et bon, d'après ce qu'on voit sur les photos, c'est vraiment fidèle. C'est exactement ce qu'on voit dans le jeu. Ils l'ont reproduit en vrai, donc ça semble assez beau. Sinon, qu'est-ce qu'on sait d'autre? Je suis allé lire là-dessus. Ils disent, pour donner vie à l'univers post-apocalyptique et nucléaire du jeu, Bethesda a remis les clés de sa licence à un studio de renom. C'est aux équipes de Kilter Film, à qui l'on doit les séries Personne d'intérêt et Westworld, qui ont eu la lourde tâche de porter Fallout sur écran. Dans son communiqué, Amazon confirme également un élément très important concernant le scénario de l'adaptation. Ils disent ceci. Celui-ci s'inscrit dans la trame principale des jeux et sera donc canon. Il n'est donc pas impossible que l'on puisse croiser quelques visages familiers ou entendre parler d'abris nucléaires dont il était question dans les aventures du jeu. L'histoire se déroulera cette fois-ci du côté de Los Angeles à la sortie de l'abri numéro 33 de Vault-Tec. Donc j'imagine déjà une scène majeure là, où les portes de l'abri s'ouvrent et le héros va sortir dans le monde post-nucléaire. Là. Bon, d'un côté plutôt technique, le casting. Là, on sait déjà pas mal de choses. Le héros de Fallout, lui, va être joué par Warwick Davis. C'est le nain là, qui jouait Willow. Bon, étant donné sa petite taille, tout a dû être mis à l'échelle dans la série. Bon, les autres acteurs, ben, des personnes de taille normale, ils ont dû être rapetissés au montage. Willow, lui, doit être accompagné dans la série de Canigou. C'est le chien fidèle là, qui va trouver à la station de Red Rocket qu'on trouvait dans le jeu. C'est le chien là, qui faisait... Le chien qui va jouer Canigou, c'est celui qui faisait Vagabond dans la série là, qu'on connaît. C'est Lassie qui doit faire sa doublure là, pour les cascades. Willow, lui, doit chevaucher Canigou, là, le vagabond, pour se promener dans le monde post apocalyptique. C'est quand même malade. Là. C'est audacieux de donner le rôle principal à Willow, là. Mais moi, je suis content, ça va être magique. On sait aussi que le dirigeant de l'abri 33, là, il doit être joué par Harrison Ford. Bon, je sais pas à quel âge il est rendu Harrison, là, mais il doit avoir plus de 100 ans maintenant. Mais on sait qu'il va être immobilisé dans une chaise roulante dans la série. Pour le ménager un petit peu, puis rendre ça crédible. Puis c'est Tom Cruise qui doit être derrière lui là, pour le pousser là, dans sa chaise. Évidemment, il y a aussi une belle fille dans la série, bon, comme dans toute bonne série. Ici, bon, je questionne pas le choix du producteur, mais j'ai des petits doutes quand même, là. Mais bon, je suis content pour le Québec. Ben, parce que la belle-fille doit être jouée par Céline Dion. Bon, vu qu'elle chante plus, là, elle était disponible. Donc, c'est quand même le fun de voir notre Céline nationale. C'est Céline! Qui va jouer là, dans une grande série de science-fiction comme ça. Bon, j'espère qu'elle va bien faire ça. Ce qu'on peut lire dans l'article que j'ai lu pour vous, ben, c'est que pour l'occasion, elle a remis ses vieilles dents. Quand vous vous souvenez, là, en 1980, quand elle avait chanté devant le pape, elle avait aidé en croche, là, puis elle louchait à moitié. Bref, elle aurait subi plein de chirurgies pour la ramener à ce qu'elle ressemblait dans sa jeunesse, ce qui, évidemment, fera plus crédible là, pour dans cette série là, où on voit de temps en temps des monstres. Ensuite, on dit qu'il y a Alec Baldwin aussi, qui doit être là le temps d'un épisode. Lui, il viendrait tirer sur tout le monde avec des vraies armes. Il y a ensuite le méchant. Bon, oui, évidemment, il y a toujours un méchant. Dans la série Fallout, il doit être joué par David Hasselhoff. C'est lui qui a été retenu à 71 ans. On dit encore qu'il est autonome, qu'il mange des aliments solides. Donc, il devrait faire un bon méchant. Bien sûr, dans le jeu de Fallout, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui jouait dans le K 2000, là, un genre d'agent qui conduisait une voiture noire qui était comme muni d'une intelligence artificielle là, dans les années 2000, j'imagine. Si on l'a appelé K 2000, ça doit être dans les années 2000. Mais là, bien sûr, dans le jeu de Fallout, on ne conduit pas de véhicule. Dans le jeu, on n'en conduit pas, mais les producteurs, ils auraient trouvé un arc narratif crédible pour que K2000, ben, la célèbre voiture que David conduisait, ben, elle soit intégrée à l'histoire. Il y a aussi l'actrice Julie Andrews qui fait partie du casting. Là, on se souviendra qu'elle avait joué le rôle principal dans Mélodie de bonheur. Donc, elle revient dans Fallout le temps de quelques épisodes. Vu que la série de Fallout, ça se veut avant tout une série de comédie musicale, de science-fiction, ben, ça explique pourquoi ils ramènent des stars là, qui ont marqué l'écran au niveau musical. Ensuite, on dit qu'il y a Astro, le petit robot, qui lui, il va prendre le rôle de Mr. Andy. Mr. Andy, c'est qui? Ben, c'est le genre de robot ménager là, qu'on trouve quand on commence à jouer là, à Fallout. Il est dans une des maisons les débâties, où ce qu'on voyait au début, on est comme assis là-dedans. Ben là, Mr. Andy, ça va être Astro. Ils l'ont peinturé en gris là, pour qu'il ressemble à Mr. Andy. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous en donne en rafale. Il y a Stevie Wonder dans le rôle d'un brigand qui a du mal à se diriger dans les décombres de la ville. Michael Jackson qui est à la tête d'un groupe de zombies. Il y a une dizaine de lutteurs de la WWF, dont l'Undertaker, Hulk Hogan et Chico Gonzalez qui vont jouer des Rangers. Ça, c'est une des factions qu'on peut jouer qu'on rencontre dans Fallout. Il y a Patrick Roy, un savant fou qui veut faire sauter une grosse bombe, puis il y a Pauline Marois qui est dans le rôle d'une furie, là, le genre de mascotte poilue. Bref, le casting semble extraordinaire, comme vous pouvez voir. Puis le dernier, pour le plaisir, je vous le nomme, c'est Chuck Norris. On doit le voir dans chaque épisode, puis dans chacun, il va utiliser un de ses pouvoirs. Par exemple, ils disent que dans l'épisode 1, Chuck Norris, il joue au cerf-volant avec des vrais cerfs. Épisode 2, Chuck Norris, il fait rentrer 3 litres d'eau dans une bouteille d'un litre. Bref, Chuck et ses pouvoirs à l'honneur dans cette série de Fallout, adaptée par Amazon et qui doit sortir le 12 avril 2024 sur Amazon Prime. Poor little dreams that keep trying to come true. It's all over but the crying. And I can't get over crying over you. I know it's to be sacred, always me. I know a lot of secrets, don't know you. And everybody's gone now, just the two of us. I know a lot of secrets, but don't know you. Biting my lips, longing for you, searching for the room with open doors we close to. Everything we do can be a secret that we keep, a secret that we keep. I just want your love. Love can take me higher. I just want you. Just the two of us, I know a lot of secrets, but don't know you. What it made me bite in my lips, something from keep searching for the room we open, doors we close them. Everything we do can be a secret that we keep, a secret that we keep. Dans le monde du piment. Et oui, avis aux fans de piquant, le livre des Guinness, là, le livre des Guinness, non, le livre Guinness des records, il vient de couronner le piment le plus fort au monde. C'est le Pepper Hicks qui détrône le Carolina Reaper. Et oui, moi j'étais tout content là, d'avoir fait pousser dans mon jardin des Carolina Reaper cet été. Je me disais, ah, je vais pouvoir goûter au piment le plus fort au monde, là, puis je vous en ai parlé dans un Lobster. Eh bien, c'est fini! Le Carolina Reaper, c'est plus le piment le plus fort. Non. Le Pepper X, lui, il est dans les tons de jaune et de vert. Il est classé à 2693 millions d'unités sur l'échelle de Scoville. Ça, c'est la moyenne. Alors que le Carolina Reaper, là, lui qui est rouge vif que j'ai fait pousser, il est à 1 640 000. Donc, on dit Carolina 1 640 000, puis l'autre 2 700 000 à peu près. Ça, c'est la moyenne. Il y en a évidemment des moins forts et des plus forts, mais en moyenne, c'est ça habituellement. Dans les deux cas, bon, c'est plus puissant évidemment que tout ce qu'on trouve dans les. Ce que les polices utilisent là, pour calmer les foules. Les poules, ben oui. Ça va bien. Bon, donc on est loin quand même du jalapeno là, qu'on trouve à l'épicerie qui lui tourne autour de 3000 à 8000 sur l'échelle de Scoville. Donc, on est proche du 3 millions là, pour Pepper X. C'est quand même extrêmement fort. Puis, je me suis quand même rafraîchi la mémoire sur l'échelle Scoville parce que, bon, je comprends l'échelle un peu comment elle marche, mais pas, j'étais plus à 100%. Là, j'étais plus sûr comment ça fonctionne. Donc, j'étais allé me remémorer la mémoire, puis je vous en parle. Donc, pour établir son classement, Wilbur Scoville lui préparait une solution de piment frais entier qui réduisait en purée. Puis il mélangeait ça avec de l'eau sucrée. Puis c'est cette solution qu'il faisait tester par différentes personnes. Puis tant qu'il y avait de la sensation de brûlure de piment à subsister, ben il augmentait la dilution. Puis c'est cette échelle-là de dilution qui donne le chiffre qu'on connaît à la fin. Puis lorsque la sensation de brûlure disparaît, ben c'est cette valeur-là de dilution qui donnait la force du piment. Par exemple, un piment doux, ça ne contient pas de capsaïcine, là, ce qui donne le piquant, ça a un degré sur l'échelle de 0, ce qui signifie qu'il n'y a aucune sensation de brûlure qui est détectable même sans le diluer. À l'opposé, pour les piments les plus forts, ben, si on prend par exemple 300 000, ça c'est les habaneros 300 000, ouais, qui signifie que faut les diluer 300 000 fois avant que la capsaïcine devienne indétectable dans le mélange. Donc, le Pepper X, lui, est vraiment, vraiment, vraiment fort. Il faut le diluer 2 693 000 fois avant que le piquant disparaisse. Donc, ça ne vous en prend pas beaucoup pour donner du goût là, à votre sauce à spaghetti. Bon, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le sujet? On dit le Pepper X est un petit fruit jaune à l'allure ratatinée. Les multiples crevasses à la surface du fruit donnent plus d'espace pour le développement de la membrane blanche qui renferme les graines à l'intérieur du fruit où se trouve la plus importante concentration de capsaïcine. C'est le même homme qui a créé ça, là, celui qui avait cultivé le Carolina Reaper, Ed Curry, qui est le président et fondateur de la compagnie Parker Butt Pepper Company qui a lancé en 2003. Ben, c'est lui qui a développé le nouveau là, Pepper X. Ils disent, ce qu'ils disent dans l'article, ils disent « Ed Curry s'était attelé à la tâche de créer un piment encore plus puissant dès l'obtention du record pour le Carolina Reaper en 2013. Lui, il réussit à créer ces nouveaux piments-là en faisant de multiples croisements de son champion avec d'autres variétés de piments. Fait qu'il goûte au Carolina Reaper quand il trouve un piment qui est vraiment plus, qui pense qu'il est plus fort que l'autre. Ben, il ramasse les graines, il leur sème, puis là, les plus puissants de ce nouveau-là, il les ressème, puis il mixe. C'est comme ça qu'il arrive à faire une nouvelle variété. Puis, quand il a présenté le Pepper X, là, j'ai été voir le vidéo, là, quand il présente ça à 4-5 autres personnes là, qui ont un site de... qui ont une chaîne justement sur les piments forts, puis ils ont vraiment l'air de souffrir, là. Sauf lui. Lui, il dit que ça lui donne chaud, mais... il fait pas la grimace comme les autres. Il dit que son cœur tremblote quand même, là. Mais j'imagine que lui, il en mange beaucoup là, pour faire ses tests. Donc, il a peut-être fini par s'habituer. Mais quand même, il a l'air immunisé. Là. On le voit, il mange comme les autres. Les autres sont en train de mourir et de souffrir. Puis lui, bon, il fait « Ah, c'est chaud, ça pique. » Sinon, qu'est-ce qu'on dit pour l'instant? On dit que c'est difficile de se procurer son Pepper Hicks. En fait, il veut pas en vendre à l'état pur parce qu'il veut pas que les gens ramassent les graines puis qu'ils en ressèment puis que là on en fasse pousser chez nous. Non, ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il vend juste des sauces, puis j'imagine qu'il broie ses sauces assez pour qu'on retrouve pas là-dedans une graine qu'on ramasse puis qu'on fait puis qu'on la fait pousser. Donc lui, il a sa compagnie, comme je vous disais, Puckerbuck Pepper Company. C'est là qu'il vend sa sauce au Pepper X. Puis il vend ça, on peut l'acheter en ligne ou il y a certains magasins là, en Caroline du Sud où il habite qui en vend. Donc pour l'instant, on ne pourra pas trouver de graines de son piment Pepper X. Donc au jardin, on peut continuer à semer le Carolina Reaper qui reste celui le plus fort qui est disponible là, pour nous, pauvres amateurs à la maison, mais qui reste quand même 100 millions de fois trop fort pour ma bouche. Voilà, c'était les dernières nouvelles dans le monde du piment. On l'appelle Lucky Luke de l'Est au Far West. Il arrive au galop de Cowboy Hero. Son tir est plus rapide que son ombre. Et son revolver va plus vite que l'éclair au sacré Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke. C'est lui qui a le truc pour nous étonner. Bang bang Lucky Luke. Bang bang Lucky Luke. C'est un homme qui n'a peur de personne, même pas des Dalton. Bon, si on reste quand même encore dans le domaine du jardin, eh bien, connaissez-vous le pawpaw? Non, moi non plus, là. Au début, je connaissais pas ça. C'est pas le jeu qu'on jouait quand on était enfant. Le pawpaw, t'es mort? Non. C'est le site de nouvelles de Radio-Canada qui est venu m'instruire là, là-dessus. Eh bien, c'est quoi le pawpaw? Eh bien, c'est un arbre qui est aussi connu sous le nom d'acimine. Le pawpaw est le fruit du pawpaw! Mais oui, le fruit du pawpaw, c'est le pawpaw. Bon, jusque-là, quand même, rien de trop compliqué. Le pawpaw, ce qui est spécial, c'est qu'un arbre, c'est un arbre originaire d'Amérique du Nord, donc de notre coin. En Amérique du Nord, le pawpaw se réfère à l'Acimina triloba, c'est le nom latin, là. Puis ils disent que c'est un arbre à feuilles caduques qui produit de gros fruits comestibles. Mais pourquoi on n'en connaît pas? Pourquoi on n'a jamais entendu parler? En tout cas, moi, ça me dit absolument rien, ce fruit-là. Mais il semble qu'il y en a beaucoup en Ontario. Ils disent les fruits sont généralement de forme ovale et ont une peau verte à jaune. La chair du pawpaw est jaune crémeux avec une saveur douce et un arôme tropical distinct. Le pawpaw est parfois appelé Poorsman Banana en raison de sa texture crémeuse et de son goût légèrement similaire à celui de la banane. Donc, on a un arbre qui donne des fruits qui goûtent la banane ici au Canada, puis moi, je n'étais même pas au courant. Il dit, le fruit est assez délicat et n'est pas aussi répandu que d'autres fruits tropicaux. Mais c'est sûr, là, on n'a pas entendu parler. Il est souvent consommé frais ou utilisé dans des desserts tels que des tartes, des glaces et des smoothies. Bon, moi, j'ai jamais mangé de tarte au pawpaw. Je sais pas si vous, il y en a qui connaissent ça. Là. Si oui, écrivez-moi ça sur la page web du Facebook du Lobster pour me dire « Oui, oui, moi j'en ai un dans mon jardin. J'aimerais ça voir une photo de vous en train de manger un pawpaw. » Ça me permettrait de, de savoir qu'il y a des gens qui écoutent le Lobster. Autre que voir des statistiques sur le web. C'est ça. Moi, j'étais quand j'ai lu cet article-là, j'étais quand même un peu impressionné. J'ai dit « Quand même, on a un arbre ici qui nous fait pousser des fruits qui ressemblent à des plantes tropicales, puis qui ça goûte la banane. » En tout cas. Puis là, ce que j'ai appris, c'est que c'est à l'automne que les adeptes du pawpaw, qui sont aux anges, parce qu'ils disent qu'il faut se dépêcher pour cueillir ces fruits-là, parce que c'est ça, c'est le fruit, une fois qu'il est cueilli, il ne dure pas longtemps. Puis la période où ce qui est mûr, ça dure juste quelques semaines par année. Donc, c'est peut-être ça qui explique qu'on n'en voit pas. Moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça en épicerie. Ce que j'ai lu, c'est qu'il y en a dans... Il y a des boutiques à Toronto qui en vendent. Et j'ai lu dans l'article, il disait « Dyson Ford dépose des pawpaws sur un comptoir de sa boutique de l'avenue Dunford à Toronto. Couteau à la main, il tranche le fruit en deux pour révéler une chair jaune au parfum sucré. Le test de goût se fait à l'odeur. On y décèle une saveur qui s'apparente à la fois à la banane, à la papaye, à la mangue ou même à l'ananas. Ben voyons donc, on a un fruit ici qui goûte tout ce qu'on achète ailleurs. T'sais, on fait venir des bananes, papaye, mangue, ananas, amandes, j'aime ça. Mais là, on a un fruit qui goûterait tout ça. J'ai juste à en parler, j'ai faim d'en manger. Puis si c'est si bon que ça, pourquoi on n'a jamais entendu parler? C'est louche, c'est quand même louche. Mais bon, ce qu'on dit dans l'article, c'est que les peuples autochtones en ont beaucoup dans leur propre verger. C'est beaucoup grâce à eux que l'on doit la présence de ce fruit en sol canadien. C'est aussi grâce à eux qu'on doit la présence de cigarettes, de contrebande et de casinos douteux. OK, là, ça, c'est de l'humour douteux, pas très bon. Bon, bref, j'aimerais bien ça goûter au pawpaw. J'ai regardé, j'étais allé voir en ligne. Ça ressemble à un avocat, mais avec l'intérieur jaune, puis il y a un paquet de graines au milieu. Quand j'ai lu l'article l'autre jour, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, immédiatement, je me suis empressé d'aller acheter des graines pour en planter. Bon, à défaut de trouver ces plants-là dans nos pépinières, parce que j'ai regardé, là, ils ne vendent pas ça dans les pépinières proches de chez moi, ben, je vais essayer d'en partir dans ma serre l'été prochain. Puis d'ici 10 ans, je devrais pouvoir en manger. Fait que là, sur Amazon, j'ai trouvé 100 graines pour 16$. Bon, je sais pas si c'est cher ou pas, là, mais en tout cas, avec ça, je donne en masse pour me starter. Là, quand j'ai reçu les graines la semaine passée, j'ai pris les graines puis je les ai mis au frigo. Je me rappelle plus comment on appelle ça. Ça s'appelle stratifier les graines. C'est comme les pivoines, en fait. Les pivoines ont besoin que leurs graines passent un hiver dehors, ou l'équivalent, les sacrer au frigo, au congélateur, je veux dire. Fait que moi, j'ai mis mes graines de pawpaw témar au frigo, puis je vais les sortir l'été au printemps prochain pour les semer dans ma serre. La plante est zonée 4, ça veut dire que c'est tout le côté du Saint-Laurent, on peut le semer là. En Ontario, il y en a beaucoup. Ça veut dire qu'au Saguenay, il ne serait pas nécessairement capable de survivre, mais bon, on va l'essayer. Parfois, on sème des plantes qui sont zonées pas pour le Saguenay, puis ça survit quand même. Ça dépend toujours, souvent, là, de la couverture de la neige par-dessus l'affaire, s'il permet d'être bien isolé, caché, ou il y a des... Bon, de toute façon, avec le réchauffement climatique, moi, je m'attends à voir des lions, des girafes dans nos forêts au Québec bientôt. Donc, d'avoir des plants de mangue, d'ananas, de bananiers, puis de pawpaw au Saguenay, je pense qu'on est en ligne pour en avoir bientôt. Donc, voilà! Papa, t'es mort, vous allez pouvoir vous coucher moins Augustin ce soir grâce à ce que vous avez appris dans le Lobster. c'est l'heure de faire la portion courrier du lecteur. Et oui, on a reçu beaucoup de messages sur le site du Lobster. Il y a beaucoup de gens, c'est souvent la même question qui revient. Ça dit « Fred, comment ça va avec ton piano? » Eh bien, un petit update. Là, je travaille sur quelque chose qui est difficile. Là, c'est une partition qui a plus qu'une page. Là, ça a deux pages. En plus, c'est juste le début de la chanson. C'est l'introduction d'une chanson de Beethoven. Donc, juste pour vous montrer où ce que je suis rendu là, après 2 mois et quelques de cours, voici un extrait. Là, j'ai enregistré tantôt. Je me suis assis au piano puis je l'ai joué du premier coup. Puis ça donne ça. Je pense que je fais une erreur durant la chanson. Peut-être que vous ne la remarquerez même pas. Ça sonne bien quand même. Donc, on écoute pour répondre à ces lecteurs-là qui me demandent « Fred, où c'est que tu es rendu dans ton piano? Est-ce que ça va bien? » Eh bien, le plus simple, c'est de vous faire entendre ce que je joue. Donc, on écoute. Pour Élise! Pour Élise de Ludwig van Beethoven, né en 1760, décédé en 1827. Donc, on y va. Thank you. Voilà, c'est ça. Je suis rendu là au piano. Puis là, j'ai triché un petit peu parce qu'en ce moment, mon prof, il me demande de jouer avec un métronome. Un métronome, c'est le gadget qui fait ce bruit-là. Puis là, en ce moment, c'est ça, je dois jouer cette chanson-là de Beethoven au rythme de 85. C'est ça, 85. Ça veut dire que chacune des noires correspond à un battement. Fait que à chaque fois qu'il y a une noire, il faut que je la joue en suivant ce rythme-là. Puis quand il y a des croches, ben là, c'est le double. Fait qu'une croche, il faut que je la joue. Ça veut dire là, c'est à 85, ça me fait tomber à 170. Fait que là, disons qu'une noire, c'est deux beats. Quand il y a une croche, il faut que je joue à 1. Écoutez bien. Fait que là, quand il y a 2, 2, c'est une noire. Fait que, bon, c'est impossible de jouer avec le 170 qui roule. Fait que là, je joue à 85. Puis quand je pogne des doubles croches, faut que je la joue plus vite. Faut qu'elle rentre dans la moitié du temps. Fait que c'est ça. C'est quand même compliqué, là. C'est ça, moi, mon professeur, c'est un professeur de musique classique. Donc, c'est la vraie méthode pour apprendre à jouer en suivant le métronome aussi, là. C'est sûr, si j'avais un prof de blues ou de jazz, ça serait peut-être plus lousse. Mais bon, je commence avec... J'ai pas choisi, là. C'est parce qu'elle habite à 10 minutes à pied de chez nous. C'est pour ça que j'ai choisi ce professeur-là. Je pars à pied, puis je vais au mon cours. C'est vraiment facile. Je me casse pas la tête le jeudi quand je vais à mon cours. Là, je pars à pied, ça me fait marcher en plus. Donc, grâce à ce professeur-là, j'apprends à suivre selon la vraie méthode, là, qui est de... Mais en tout cas, je dis la vraie méthode, je sais pas, là, mais je suis obligé de jouer au métronome. Donc, c'est... Faut que ma musique, là, ce que je vous ai joué, vous avez entendu, il y a beaucoup de temps mort où que je réfléchis, parce que je suis pas encore un expert, là, j'ai même pas 20 cours encore de suivi, là, puis en plus, c'est des cours de 30 minutes. Fait que cette chanson-là, ça fait déjà 3 semaines que je travaille dessus, là, Beethoven, les deux partitions. Au début, elle m'a faisait jouer à 65. Écoutez, 65, c'était la première page, c'était à 65, c'est ça. Maintenant, ce qui arrive, c'est que là, après une semaine ou deux, là, elle dit « monte à 85 » parce que là, ce qui se passe, c'est que je la prends par cœur. Fait que là, mes doigts se posent plus de questions. Puis, bon, ce qui est dur, c'est de jouer à pédale aussi en même temps. Tu sais, chacune des mains est détachée, joue ses notes. Et en plus, là, ma pédale était brisée, là, comme je disais à mon frère tantôt quand je l'ai appelé. Là, j'ai réparé ma pédale. Fait que là, la pédale permet de tenir les notes. Fait que là, quand je vous ai joué tantôt, malheureusement, c'était avant que je répare, là, que j'ai enregistré. Fait qu'il n'y a pas de pédale, mais avec la pédale, c'est encore plus beau. Puis si on écoute la chanson que je vous ai jouée, mais un peu plus rapide, là, on voit que ça sonne. Disons qu'on double la vitesse, qui est le vrai temps. Sur la partition, je pense qu'elle doit jouer à au moins 120. Ça fait que c'est pas le double de la vitesse à laquelle je joue, là, mais au moins 1,5 fois plus vite. Tantôt, je l'ai écouté pour le fun là, à vitesse avancée, ce que j'avais enregistré. Puis là, ça sonne comme Beethoven, mais avec quelqu'un qui est pas très bon. Mais bon, c'est comme j'ai lu, pour devenir pianiste amateur, c'est 10 ans. Donc, à 60 ans, je devrais bien vous jouer ça là, et continuer à avancer. Fait que là, à peu près aux semaines, 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant du temps que j'ai le temps de pratiquer dans la semaine, la prof rajoute des chansons. Cette semaine, j'ai eu une nouvelle chanson. C'est une chanson de Noël que je vais devoir apprendre. Je ne l'ai pas commencé. Je l'ai joué avec elle, puis ça a bien été. Ben, on la joue lentement, puis elle montre les endroits compliqués. Elle me dit, gars, c'est ici, ton doigt doit passer par-dessus lui. Là, fais pas ce que tu fais avec ton doigt croche. Elle dit, on joue pas comme ça. Fait qu'elle, elle me corrige mes erreurs. On le joue une fois ou deux avant que je parte. Elle me montre, elle dit, c'est ça tes erreurs. Fait que là, rendu à la maison, elle en plus, elle écrit tout. J'ai un livre, j'ai un cahier Canada, puis elle m'écrit, bon, cette semaine à la maison, tu dois te pratiquer ça à 85, tu fais attention à tel doigt, puis sur mes pages de partition au crayon jaune, c'est écrit les difficultés, c'est ici. Fait que c'est quand même assez plaisant. Bon, maintenant, de quoi je voulais vous parler? On arrive à la fin du Lobster. Ah non, on n'arrive pas à la fin, il me reste pas mal d'affaires. Là, je suis rendu à vous parler de CICM. CICM. Non, CI. CISM. C'est quoi CISM? CISM. C'est la radio étudiante de l'Université de Montréal. Puis le samedi matin, j'aime bien ça écouter. Souvent, le samedi. Là, on est samedi, puis je peux aller. Le samedi matin, j'aime bien aller chez Comic Hunter à Montréal pour les bandes dessinées. En plus, c'est ma fête. Parce que chez Comic Hunter, quand c'est ta semaine de fête, ils te donnent des cadeaux. Il aurait fallu que j'y aille le matin. Ouais, quand tu vas chez Comic Hunter dans la semaine ou de ta... Non, je pense que c'est dans le mois de ta fête. OK, je suis correct. Je serai la semaine prochaine. Là, il va en arrière, puis il sort plein de gros livres, puis il dit, garde lequel que tu aimerais avoir en cadeau, tout dépendant de ce que tu as dans les mains au moment de tes achats. Donc, là, je me suis écarté. Donc, quand je m'arrange chez Comic Hunter le samedi matin, j'écoute toujours la radio 89.3, CISM, Radio étudiante de l'Université de Montréal. Puis c'est une émission, j'écoute Voix tropicale, c'est une émission qui tourne depuis 25 ans. C'est aussi vieux que la Rumba du samedi, pour ceux qui connaissent ça. Moi, j'écoutais ça. La Rumba avant, c'était en... La Rumba du samedi, c'était en après-midi. Mais bon, elle n'existe plus. Non, il reste que Voix tropicale. Mais bon, j'adorais l'émission Rumba du samedi. Maintenant, c'est remplacé par d'autres choses. Mais bon, où c'est que je m'en vais avec tout ça? Ah oui, c'est ça. La Rumba du samedi et Voix tropicale qui reste maintenant, c'est deux émissions qui sont commanditées depuis des dizaines d'années par le même commanditaire. Puis ça me fait rire à chaque fois qu'on l'écoute, à chaque fois que je l'entends. Des fois, le commanditaire, il vient en direct, puis là, il dit « Ah, venez, nanana, on fait des hot dogs sur le terrain. » OK, ben, gars, on écoute une des pubs de ce célèbre magasin qui subventionne, ben qui est annoncé dans l'émission Voix tropicale depuis des dizaines d'années. On écoute. Kiko Monfleur, la référence de silencieux à Montréal. Kiko Monfleur est là pour vous. Avec plus de 25 ans d'expérience, Kiko Monfleur vous offre un service de qualité garanti. Si vous avez des problèmes de silencieux, la solution c'est Kiko. Kiko Monfleur, avec ses trois locations. Kiko Monfleur Saint-Michel, 85-32, 9e avenue. Kiko Monfleur Rivière-des-Prairies, 94-99, boulevard Henri-Bourassa-Est. Et maintenant, avec sa nouvelle location à Laval, au 250 boulevard Samson, à côté de la 13. Kiko Monfleur, 514-722-6603. 514-722-6603. Donc, c'est ça. Moi aussi, si j'ai un problème de mafleur, c'est sûr que je vais chez Kiko. Kiko Mafleur. Ah oui. Bon, avant, en plus, il y avait juste un garage, mais là, la pub, là, ça a fait son œuvre avec le temps. Puis Kiko Mafleur, ils sont rendus avec trois succursales. Bon. Ça, c'est quasiment mon rêve, là, qui commandite, là, l'obstacle. En plus, ils sont super sympathiques, comme je vous disais, chez Kiko. L'animateur de Voix tropicale, il les interview là, régulièrement. La dernière fois, c'était pour nous inviter à aller manger des hot dogs dans le stationnement de Kiko Mafleur. J'aurais dû y aller, j'étais en route pour Comic Hunter, j'étais dans le coin. J'aurais dû aller visiter Kiko Monfleur. Bref, c'est tout ça pour dire que j'écoute Voix tropicale. Bon, c'est pourquoi j'écoute ça? Ben, c'est de la musique latine qui a toujours bien du rythme. Je sais pas pourquoi, mais bon, moi j'aime bien ça. Mais ce qui est bizarre dans cette émission-là, c'est que l'animateur, je sais pas comment il choisit ses sujets. Des fois, c'est vraiment bizarre. Si bizarre que des fois, je suis obligé de changer de poste pendant au moins 5 minutes, le temps qu'il raconte son histoire qui fait pas de sens. Donc, Voix tropicale, c'est quoi? Ben, ils disent... Meilleur magazine d'actualité de musique haïtienne, antillaise, africaine. Une émission qui donne de la bonne musique et de la bonne information à la satisfaction de tous et chacun. Ouais, c'est ça que l'animateur répète tout le temps à chaque émission. C'est sa phrase clé un petit peu, là. Une émission qui donne de la bonne musique et de la bonne information à la satisfaction de tout un chacun. Donc, on écoute un extrait de l'émission du 23 octobre dernier. Ouais, un petit extrait en compagnie de Louis Chopin, Laurent, c'est l'animateur. Cette fois, c'était dans une... je sais pas, une sorte d'éluculubration, là. Il s'est mis à parler de riz. OK? Et c'était le spot Courrier Santé. Le riz blanc, c'est la santé. Donc, on écoute un petit bout, là, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, cette émission-là. Moi, ça me faisait trop rire. Voix tropicale vous propose la diarrhée quand le côlon se laisse déborder. Le responsable du dosage en eau, c'est le côlon. Quand tout va bien, il est censé fabriquer les troncs de consistance idéale avec juste ce qu'il faut de liquide. Un travail complexe quand on sait que la pâte qui lui est apportée par l'intestin précédent, le grêle ressemble à de la soupe. Le côlon doit donc assécher ce potage. L'image d'une éponge qu'on essore est séduisante, mais d'un point de vue physique, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. En réalité, Dans les cellules de la paroi intestinale sont logées de petites pompes qui transportent les minéraux, le sel essentiellement, de l'intérieur du côlon vers l'intérieur du corps pour équilibrer les concentrations en sel de part et d'autre de la paroi intestinale. L'eau, par osmose, suit. Enfin, quand on est en bonne santé. Car, en cas de gastro-entérite, un virus maléfique nommé rotavirus empêche le gros intestin d'effectuer sa tâche correctement. La même chose se produit lors de certaines infections bactériennes. La réabsorption intestinale est alors perturbée car les petites pompes décrites ci-dessus ne peuvent plus assurer leur tâche. Du coup, l'eau reste dans le côlon et finit par sortir par les voies naturelles en entraînant les déchets de la digestion. C'est la diarrhée. Riz et diarrhée, les meilleurs ennemis. Que viendrait faire le riz dans cette histoire? Eh bien, pour être franc, pas grand-chose. Mais quand même, parce qu'en cas de diarrhée, le côlon est donc mis à rude épreuve. Et voilà, c'était Voix Tropicale que vous pouvez écouter bien sûr au 89.3 CISM le samedi matin de 9h à 13h. Et si ça vous dit, en après-midi, eh bien vous pouvez continuer à écouter de la musique avec un style qui bouge un petit peu plus, musique latino, c'est Elkin Polo Show qui vous fera danser lui jusqu'à 17 ans. Et dans le Lobster, vous ne serez pas en reste puisqu'on écoute « Je reste avec toi, mi quedo contigo » de Leonie Torres. Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inunda. Hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura. Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz. Hoy voy a quererte, mi nena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh. El que te sueña y te espera. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma. Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma. Puedes contar conmigo, corazón, para la vida entera. Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh, oh. El que te sueña y te espera. La semaine passée, ça a été une bonne semaine pour mes achats à la boutique de dons Renaissance, là, qui est sur l'île Perrault, où j'habite. J'ai trouvé des vieux livres vraiment captivants. Bon, j'en parle de temps en temps, là, mais en plus d'acheter beaucoup trop, ouais, de bandes dessinées, là, je suis rendu à 2350. Je viens d'aller vérifier dans ma liste. Donc, j'achète aussi des vieux livres. Bon, je suis pas capable de résister, là, quand je vois des livres qui ont plus de 100 ans, qui sont vendus chez Renaissance, eh bien, si le sujet m'intéresse, ben, je les achète, je les ajoute à ma collection de vieux livres. Puis là, je viens d'aller ouvrir mon meuble au salon pour sortir ce que j'ai pas encore classé. C'est quand même captivant parce que cette semaine, je suis tombé sur un gros livre de 1892. Sur la couverture, c'est écrit Christophe Colomb. Ouais, tout est relié de façon magnifique, le bout des pages y est doré, le livre est signé à la main par le comte Rosely de Lorgue. C'est lui qui a écrit le livre. Et ça parle de quoi? Ben, vous vous en doutez, avec un titre comme Christophe Colomb. Et bien sûr, on parle de ses voyages. Moi, dans mon livre, il y a une dédicace. C'est écrit à mon ami Ulrich Lafontaine à l'occasion du 4 juin 1898 avec mes meilleurs souhaits. J'ai beau soleil. Le vendredi 12 octobre 1492, aux naissantes lueurs du jour, on vit se dégager promptement des ombres et se dessiner, comme sortant des eaux, une terre efflorescente dont les bocages colorés des premiers feux du soleil exhalaient des parfums inconnus et séduisaient les yeux de leur riante perspective. En avançant, les caravelles reconnurent une île assez étendue, unie et sans apparence de montagne. D'épaisses forêts bornaient l'horizon. Au milieu de clairières reluisait l'eau pure d'un lac. Les ondulations du terrain recouvert d'une vigoureuse végétation encadraient une plage spacieuse vers laquelle on se dirigea. Dès que les ancres eurent mordu, tout pénétré de recueillement, revêtu du costume de ses dignités, un manteau écarlate flottant sur ses épaules et tenant déployé l'image de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'étendard royal de l'expédition, Colomb descendit dans la chaloupe, suivi de son état-major. Les capitaines de la Pinta et de la Nina, ayant à la main la bannière de l'entreprise, se placèrent chacun dans son canot avec un détachement parfaitement armé. En quelques coups, impatients d'aviron, les trois embarcations accostèrent la grève. Christophe Colomb, rayonnant d'enthousiasme, muet de félicité, s'élança sur le rivage, en direction de Kiko Monfleur. Kiko Monfleur, la référence de silencieux à Montréal. Kiko Monfleur est là pour vous. Avec plus de 25 ans d'expérience, Kiko Monfleur vous offre un service de qualité garanti. Si vous avez des problèmes de silencieux, la solution, c'est Kiko. Donc, c'est ça pour mon vieux livre de Christophe Colomb. C'est un extrait là, qu'il y avait dans le livre. Le livre, il n'y a pas loin de 600 pages, il est immense. Tout le texte, en plus, est orné de dessins, en noir et blanc majoritairement. Il y a des pages avec des cartes de voyage aussi, puis plein de choses. Il y a quelques pages avec des dessins couleurs. C'est écrit que c'est des chromolithographies. Je ne savais pas c'était quoi, mais ça semble, d'après mes lectures, que c'est un procédé d'impression qui permettait d'imprimer une image avec jusqu'à 16 couleurs. Donc, il y en a quelques-unes en couleurs dans le livre, mais le livre il est magnifique. Là. Bon, mais c'est quand même un livre que j'ai payé assez cher. J'ai le prix ici, 32$. Pour Renaissance, c'est un livre qui est quand même assez cher. Mais vous vous en doutez, s'ils le vendent à ce prix-là, c'est que le livre il a quand même une grande valeur parce qu'ils vérifient un peu quand même sur Internet le prix des choses avant de eux les mettre en vente. Moi j'ai été voir, on peut avoir une copie réimprimée de ce livre-là sur Amazon pour 70$ parce qu'évidemment, bon, le livre, les droits d'auteur sont échus là-dessus. Amazon peut te le réimprimer pour 70$, mais sinon, une édition comme la mienne, une vraie édition qui est imprimée en 1800 quelque chose, là, c'est entre 450 et 600€ chez les marchands de livres rares d'après ce que je vois. Mais bon, pour moi ça veut rien dire, car je ne le vendrai jamais. Il est dans ma collection jusqu'à ma mort! Vous êtes des triplettes, je suppose? Non, moi, je suis dans le milieu. Steve a 20 ans, puis Jeff 18. Hein? Dans quelle ligue vous étiez? La Ligue des As. La Ligue des As? Ça a beaucoup de batailles, là. Non. Hey, j'ai un compte! Votre chambre est payée pour une semaine. Après, c'est à vous autres d'en trouver une. OK, coach. Donne-moi un coke ou bien un arrangeable. Tout sauf de l'hostie de roue de bière! Le même jour que j'ai acheté le livre de Christophe Colomb, il y avait plein d'autres choses à la boutique Renaissance, plein de vieux livres. Il y avait des vieux dictionnaires des années 1800, il y avait les œuvres de Molière. C'est comme si quelqu'un avait fait le ménage là, dans ses vieux livres et qu'il avait tout ramené chez Renaissance. Donc, j'en ai acheté un autre. Ça s'appelle « Histoire de la milice canadienne-française ». Lui, il date du 20 juin 1897. C'est un précis de l'histoire militaire. Et là-dedans, on retrouve, en lisant, notre histoire. On y parle du colonel de Longueuil, du major Louis de Salaberry. Il nous montre les cartes de la bataille de Châteauguay. C'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui aime l'histoire et notre coin de pays. Car là, c'est vraiment l'histoire en détail. On nous dit même tel soldat il a reçu une balle dans la joue, tel autre est mort. Ça fait que t'as tous les noms, t'as tous les détails. Donc, on s'en lit un petit bout. Le bout que je vous lis, c'est quand ils ont attrapé Louis Riel, qui était le chef des peuples métis dans l'Ouest canadien. D'après ce que je lis, c'est l'épisode de la rébellion sur la Rivière Rouge du 24 août 1870. Je pense qu'on nous a déjà parlé de Louis Riel dans nos cours d'histoire, mais dans ce livre, j'ai l'histoire de son arrestation avec tous les détails. On le lit pour s'instruire ensemble. Donc, page 18, on commence ça. À 9 milles du Fort Garry, l'obscurité empêcha les troupes d'aller plus loin, et une pluie poussée par un vent violent tomba toute la nuit. Quelques habitants du pays se hasardèrent dans les ténèbres à descendre le long de la grève pour vérifier la rumeur qui s'était répandue de l'approche des troupes. Ils tombèrent dans les lignes des sentinelles et furent gardés jusqu'au matin sans pouvoir communiquer la moindre nouvelle à la ville ou au fort. Riel ne quitta pas le fort de toute la nuit. Il savait où étaient les troupes en ce moment. Sa discrétion alla jusqu'à laisser ignorer aux gens de la ville qui sympathisaient avec lui l'événement dont le lendemain serait témoin. Ce lendemain donc, un mercredi 24 août, vers 8h du matin, le débarquement s'opéra sur la rive gauche à la pointe Douglas, 2000 plus bas que la ville de Winnipeg, car il y avait un commencement de ville. De ce nom, à 2000 pieds du Fort Garry, les canons furent montés sur des charrettes du pays et mis en état de service au premier signal. Le gros de la force armée s'avança en colonne ouverte. Les portes du fort semblaient closes. On voyait la gueule des canons sur le rempart. Aucun drapeau de hissé. Un silence parfait. La pluie et le brouillard rendaient les objets indistincts. Mais le colonel Wolseley avait de bonnes raisons de ne redouter ni piège ni mécompte. Seulement la scène n'était pas théâtrale. Sauf que le fort muet se montrait assez imposant avec ses 600 pieds de façade, ou plutôt de haute clôture, dont un bout en pierre et le reste en pieux debout. Cette construction, qui datait en partie de 1840 et en partie de 1850 pour les palissades, était placée dans l'angle de terrain qui formait la rencontre des rivières Rouges et Assiniboine. Riel avait attendu l'apparition des troupes pour partir. Jusqu'à la veille de leur arrivée, il paraît avoir cru qu'elles suivraient, mais ne précéderaient pas le gouverneur Archibald. Une fois qu'il fut bien certain du contraire, il assembla ses principaux conseillers, dont quelques-uns optèrent encore pour la résistance, et délibéra avec eux sur la conduite à tenir dans les circonstances où il se trouvait placé après la sortie du fort. Le conseil terminé, il passa la nuit à rassembler ses papiers secrets qu'il expédia en lieu sûr. Il ne se coucha point, déjeuna vers 9 heures, ensuite prit congé des amis qui avaient passé la nuit au fort, ou qui venait lui faire visite en ce moment. Puis, quand il vit les troupes de ses yeux, il sortit avec l'épine et O'Donoghue par la porte qui s'ouvre sur la traverse de l'Assiniboine, à l'instant même où trois officiers, avec quelques personnes du pays, entraient dans le fort par une autre porte restée ouverte à dessein. Aussitôt, la colonne pénétra dans la place avec des manifestations de joie faciles à comprendre. Il était 10 heures du matin. Riel avait fait halte à la traverse. Après avoir regardé les soldats qui disparaissaient graduellement derrière les palissades du fort, il monta à cheval, se dirigea, sans être poursuivi, vers le magasin de Kiko Moffleur. Kiko Moffleur, la référence de silencieux à Montréal. Kiko Moffleur est là pour vous. Avec plus de 25 ans d'expérience, Kiko Moffleur vous offre un service de qualité garanti. Si vous avez des problèmes de silencieux, la solution, c'est Kiko. Dans le livre, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de détails. Tous les noms sont là. Et il y a aussi un index et j'ai été voir s'il y avait un Lavoie dedans. Et oui, Simon Lavoie, page 38. Allons voir. Il descend de mon ancêtre là, enterré à Château-Richer, donc le 11 septembre 1814, à la journée mémorable de Plattsburgh, le bataillon perdit 10 hommes tués et 1 blessé. Charles Chalifoux de Sorel, compagnie Cardin, et Simon Lavoie de Saint-Mathias, compagnie Massé. Bon. Donc, il y a un de mes ancêtres qui est mort lors de la bataille du lac Champlain. Bon, c'était quoi cette bataille-là? En juin 1812, la guerre entre les États-Unis et Royaume-Uni est déclarée. La stratégie du général britannique George Prevost est avant tout défensive, l'essentiel étant de protéger la place forte de Québec. Et cette expédition contre la place forte de Plattsburgh est un échec. Donc, un Lavoie est allé mourir là pour rien. Donc voilà pour ce livre. Celui-là, je l'ai payé 9,25 et il se vend un peu plus de 100$ là, sur tous les sites que j'ai vus. Maintenant, là, on tombe dans des vieux livres que j'ai achetés et dont j'avais oublié complètement l'existence. Le premier, Song of the French Canada. C'est quoi? Il y a une dédicace dedans à E.Prou, Wish Best Christmas Wish, Lawrence G. Prim, 1909. Donc, un livre de 1909 imprimé à Toronto. Et dedans, qu'est-ce qu'on fait? On traduit des chansons françaises. On les écrit simplement en anglais. Voici un exemple de chanson qui est traduit dans ce livre. En roulant ma boule, trois beaux canards s'en vont baignant, roulant ma boule. Bon, j'ai quoi d'autre sur ma pile? Un livre rouge avec de belles armoiries dessus. Ouais, c'est des belles armoiries. Il a l'air d'avoir un lion, des fleurs de lys, un arbre de vie, puis une couronne, puis c'est entouré de belles, du genre de gui. Bon, c'est quoi si je l'ouvre? Ah, il y a un gros collant dedans qui a été appliqué. Ça dit « Province de Québec, département de l'instruction publique, offert à Yvette Tardif comme récompense pour application par l'inspecteur d'école J. Hébert à sa visite du 26 avril 1927. » Et notre belle Yvette, elle avait reçu quoi comme livre rouge pour avoir été un élève appliqué? Eh bien, c'est la biographie de Monseigneur de Laval et de Monseigneur de Plessis, évêque de Québec. Un livre qui date de 1925 quand même. On s'en lit un petit bout, là, page 56. On s'en va déterrer Monseigneur Laval. Bon. Depuis plus d'un siècle et demi, Monseigneur de Laval dormait en paix dans la vieille cathédrale de Québec, lorsqu'en 1878, l'exhumation de ses ossements bénis, retrouvés intacts, produisit parmi la population canadienne les plus vifs sentiments de joie religieuse. Le séminaire de Québec, tout retentissant encore du nom de Laval, tout embaumé de ses vertus, en fut particulièrement ému. Avec instance, il sollicita du curé de Notre-Dame l'honneur insigne de recevoir dans sa chapelle les restes vénérés de son illustre fondateur. « Il est notre bienfaiteur, » disait la supplique. « Il est notre plus beau modèle. Il est, nous en avons la ferme espérance, notre protecteur du ciel. » Bon, ces titres si nombreux et si légitimes obtèrent aux enfants de Laval la réalisation de leurs vœux les plus chers. Le 15 mai 1878 avait lieu la translation intime des restes de l'illustre pontife dans la chapelle du séminaire. Merveilleuse coïncidence, ou plutôt permission de la Providence, les cendres de Monseigneur de Laval étaient ainsi ramenées après 170 ans à l'endroit même où s'exhala son dernier soupir. Voilà, c'est ce genre d'affaires qu'on donnait en cadeau aux élèves sages à l'école. Bon, un autre livre, un beau gros livre avec une couverture brune rigide. Sur le dessus, on voit un enfant qui fait un bonhomme de neige, un autre qui attrape des papillons, un autre qui fait des bateaux. C'est le livre The American Boy Handy Book. Bon, ce livre-là, je pense que je vous en ai déjà parlé, là, c'est l'ancêtre du livre des scouts. Il a été écrit par un des fondateurs du mouvement scout en 1882. Moi, j'ai pas l'édition originale, je pense que c'est la deuxième édition de 1889, car le mien a été offert en 1890 selon la dédicace. Bon. Et c'est un peu magique ce livre, ça dit pour chaque saison comment un petit gars peut s'amuser dehors. Et c'est vraiment pour les petits gars, les gentils petits gars, qu'on voit là, que c'est vraiment pour eux. Quand je l'avais feuilleté, ils précisaient vraiment, ils disent « les filles n'ont pas d'affaire à essayer d'attraper des grenouilles, c'est des activités pour les garçons ». Je vous en lis un bout. Je ne sais pas si j'ai retrouvé le passage sur les filles et les grenouilles, mais bon, je vérifie à l'index. Bon, comment se faire une canne à pêche, comment se faire un cerf-volant, comment se faire un télescope à eau, comment camper sans tente, se faire un radeau, ramasser des offres d'oiseaux, se faire un tir roche, les pièges à rats, pratiquer la taxidermie. Bon, enlever la peau, enlever la peau, remplir le corps, comment préserver un poisson. Je suis dans un film d'horreur. Bon, je vais aller voir la taxidermie, ça me semble prometteur. Page 232. L'index est immense. C'est un livre de plus de 400 pages. Avec ça, là, un petit gars pouvait sortir de la maison au mois de mars puis rentrer juste avant la neige. Il s'amusait toute la saison s'il faisait chaque page. Bon, page 232. Placer les ailes de l'oiseau bien étendues de chaque côté. Pratiquer une incision dans le milieu de l'animal. Et là, on a des dessins et des précisions. Bien retirer la viande de toutes les os et les peinturer avec du arsenical soap. Bon, je viens d'aller lire sur Internet. Et l'arsenic était utilisé en taxidermie jusqu'en 1970. C'est quand même... Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez dangereux. Mais bon. En plus, page 239, il donne le mélange à faire. Il faut mettre 2 livres de poudre d'arsenic, 5 onces de camphre, 2 livres de savon blanc, 12 onces de sel de tartare et 4 onces de poudre de lime. Puis ça, bon, la poudre de lime, c'est un genre de ciment. Puis tu mélanges tout ça, et là, tu as ton savon d'arsenic pour traiter l'animal que tu empailles. Et c'est bien précisé dans le livre, cette préparation est extrêmement dangereuse et poisonneuse et doit être utilisée avec précaution. Bon. Ce qui est un peu dégoûtant dans mon livre, c'est que dans mon beau livre, là, il est tout beau, sauf sur les 5 à 6 pages de taxidermie. Dans le haut, c'est tout brun dégueulasse. C'est évident que le petit gars qui avait ce livre avant, qui tombe entre mes mains, ben, il est allé fourroyer dans les entrailles d'une bête. Ouais. Puis il a probablement suivi les instructions du livre, puis il a tourné les pages du livre avec ses doigts sales. Donc, je vais faire attention. Là, les taches brunes sont probablement remplies d'arsenic. Donc, c'est terminé pour ce livre. J'ai plus le goût de jouer avec. Alors, mon bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique? Ah, ce sera du gâteau! Ah bon? Beignet mortel? Non. Clafoutis au curare? Classique. Macaron foudroyant? Tarte au venin de vipère. Pain, tout. Ok. Ha! Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, faites tiétir à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre 2. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères de purgatif et faites bouillir à feu vif. Je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, tiens-tire du sang de lézard, bouillir dans un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non! Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Dormez sur les bords du Nil, que mangeons les crocodiles. Vous versez la mort au rat, tant du venin de cobra, pour adoucir faire le mélange, presser trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décorer de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non. Ouais. Demain sur les pantinines, que mangeront les crocodiles. Sur les bancs d'une île, que mangeront les crocodiles? Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bancs d'une île, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois! Papa, tu veux du laouloua? Ma table est encore remplie de livres. Maintenant, on tombe sur un livre que je trouve quand même assez intéressant, qui se nomme « Pluralité des mondes habités, considérés au point de vue négatif ». C'est un livre qui a été écrit par un catholique, qui a été écrit par l'abbé Burke en 1898. Fait que là, c'est un livre de catholique qui date vraiment de loin. Puis on s'en doute, là, le point de vue religieux va être assez fort dans ce livre-là. C'est un livre de philosophie. Regarde, si je vous lis l'introduction, c'est quand même intéressant. On se questionne sur le fait s'il y a du monde qui habite sur d'autres planètes. Fait que c'est sûr qu'avec le point de vue de la religion, ça ne fit pas. Donc ça dit comme ça, l'abbé commence, introduction. Y a-t-il des habitants dans le soleil? Y a-t-il des habitants dans la lune? Y a-t-il des habitants dans la planète Mars? Y a-t-il des habitants dans les autres planètes de notre système solaire? Et, par extension, y a-t-il des habitants dans tous les systèmes solaires de l'univers? Voilà le problème de la pluralité des mondes habités. Il est question, bien entendu, d'habitants à peu près semblables à nous, c'est-à-dire êtres intelligents, composés comme nous d'un corps et d'une âme spirituelle. C'est à ce point de vue particulier que le sujet est intéressant, complexe et difficile. Car s'il ne s'agissait que de la vie végétale et de la vie animale, sans le couronnement de l'intelligence, de la conscience et du libre arbitre, la question perdrait toute sa grandeur et ne serait guère débattue. Il y a longtemps qu'on discute ce problème. On le discute de nos jours avec plus d'ardeur que jamais. Le temps est arrivé de prendre un parti et de se prononcer ferme si l'on tient à se préparer l'honneur d'avoir pensé ou prophétisé juste pour le jour où le problème sera résolu par la vertu du verre grossissant ou par la magie de l'électricité. Donc là, on voit qu'on est dans les débuts où ce que les gros télescopes commencent à être pensés et arrivent. Et bon, on n'avait pas encore jusqu'à date de télescope assez fort pour voir sur la Lune, voir sur les autres planètes, bien là, lui, il se propose de faire certains... assumptions pour dire oui ou non s'il y a du monde ailleurs, puis on va le vérifier avec ces télescopes-là qu'il a entendu parler puis qu'il s'en vient. Là, il continue en disant « Car on entend parler de toutes parts aujourd'hui de la suppression des distances, non seulement des distances terrestres, mais des distances du ciel. Vous avez M. Jess Cole de Philadelphie qui, au moyen de son œil électrique, bon, ça doit être un télescope électrique, prétend voir déjà des montagnes, des lacs, de la verdure sur la planète Mars et promet d'y voir assez clair bientôt pour s'assurer s'il y a des hommes. Vous avez M. Gatman de Chicago qui construit des lentilles par section concentrique. Bon, il raconte qu'il est en train de faire des gros télescopes de 10 pieds, de 50 pieds, de 100 pieds, bref, de la grandeur qu'on voudra et d'un incalculable puissant. Enfin, les Français, pour ne pas rester en arrière, pour montrer qu'ils ne sont pas émus de la jactance américaine et qu'ils peuvent eux aussi produire des engins d'une force fabuleuse, font déjà miroiter à nos yeux comme un des clous de leur grande exposition fin du siècle, un télescope monstre qui rapprochera la Lune à 3 pieds de distance et nous procurera l'étrange illusion de n'avoir qu'à attendre le bras, qu'à étendre le bras à côté du tube magique pour le toucher du doigt. Qu'est-ce donc qui résistera à l'indiscrétion de pareils instruments? Il n'y aura plus rien de secret à la surface de la Lune et des planètes. S'il y a des hommes, on les verra. S'il n'y en a point, on le verra également. Et quel que soit le résultat, les gagnants dans la dispute, ceux qui auront opiné pour l'hypothèse triomphante, s'écrieront avec transport. Voilà ce que nous pensions, voilà ce que nous disions. Nous avions donc raison de conjecturer. Donc lui se propose de prendre le parti de l'un, d'un bord ou de l'autre. Donc, d'après vous, va-t-il dire qu'il y a du monde ailleurs ou pas? Là, c'est un religieux. Moi, je gagerais qu'il va dire qu'il n'y a pas de monde sur d'autres planètes. Bon, voilà. Eh bien, soyons prophètes, puisqu'il le faut, puisque l'honneur est en jeu, puisque le temps presse, et rangeons-nous hardiment du côté de ceux qui combattent l'hypothèse de la pluralité des mondes habités. Bon, donc il vient de dire que lui va être du bord de ceux qui croient qu'il n'y a pas de monde ailleurs. Souhaitons que les grands instruments de Philadelphie, de Chicago, de Paris se braquent, ou plutôt sur les astres. On n'y verra pas d'hommes, ni traces d'hommes, soyez-en sûrs. Terrible désappointement pour nos adversaires. Et c'est nous qui aurons la gloire du triomphe. Il est vrai que ce serait tout le contraire si on y découvrait des hommes ou des traces d'hommes. N'importe, courons un risque. Un tel risque en vaut la peine. Les arguments négatifs sont si forts qu'il y a peut-être 999 chances contre une à parier que les fiers astronautes, chercheurs d'habitants dans les astres, reviendront bredouilles de toutes leurs expéditions. Ok, je vous lis un dernier paragraphe parce que c'est intéressant pour montrer comment les religieux influençaient un peu les pensées par ce qu'ils écrivaient dans leurs livres. Voici le dernier paragraphe que je vais vous lire. Avant d'entrer dans l'examen de la question, il importe de faire cette remarque préliminaire que les partisans de la pluralité des mondes se recrutent parmi les croyants comme parmi les incroyants. Donc là, il dit que, bon oui, ça se peut qu'il y ait des gens catholiques ou pas, qui croient quand même qu'il y a du monde ailleurs. Mais, il continue en disant, avec cette différence que les incroyants sont de beaucoup les plus nombreux et les plus enthousiastes, les autres étant clairsemés parmi les chrétiens, plus clairsemés parmi les catholiques, et ne proposant leur opinion en général qu'avec beaucoup de réserve et de timidité. La raison en est facile à comprendre, c'est que les premiers sont tout à fait logiciens, tout à fait conséquents avec eux-mêmes, avec leurs principes, avec leurs doctrines, tandis que les derniers manquent de logique et de consistance entièrement. Les incrédules qui nient l'existence de Dieu n'ont pas d'autre moyen pour expliquer l'univers que celui de l'éternité de la matière et des forces immanentes de la matière. Celles-ci se développent fatalement par les lois essentielles de l'attraction et de la répulsion ou des affinités chimiques. Donc, on voit qu'il se met, je ferme le livre, là, il se voit à chialer contre les protestants puis tout ça là, en disant qu'eux autres, le passé n'est pas bon. Fait que, voilà, c'est ça les livres religieux des années avant 1900. Ok, si on continue, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un autre livre qui a l'air prometteur, laissez-moi le prendre. C'est un livre qui a une couverture en cuir. Il y a un ruban pour attacher le livre, pour qu'il n'ouvre pas. Et chaque côté du ruban, sur la couverture, un bel oiseau en cuir noir orné de doré. Bon, on l'ouvre ensemble. Je me souviens pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour être prêt. Bon, première page, c'est magnifique. C'est du beau papier épais. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Là, c'est du gros papier cartonné épais, là, comme du papier parchemin. Oups, j'étais en train de l'ouvrir à l'envers. On va ouvrir d'abord. Je trouvais qu'il n'y avait pas de titre assez vite. Bon, ok, il y a une page ici. TH, Monsieur Dostoïevski, Scandaleuse histoire, illustration de G. Anenkov. Bon, j'avoue mon ignorance, je sais pas c'est qui Dostoïevski, mais j'ai déjà entendu le nom. Bon, on continue. Scandaleuse. Ah, oh, c'est le titre. Puis là, on arrive sur une page. C'est écrit, il a été tiré de cet ouvrage 20 exemplaires sur papier chiffon Île-de-France, fabriqués et filigranés spécialement pour les éditions du Cadlan, numéroté 1 à 20, et 6 exemplaires hors commerce sur même papier manuel. 700 exemplaires sur papier pur fil, numéroté de 1 à 5, et 30 exemplaires hors commerce sur même papier. Fait que moi, j'ai ceux-là, j'ai un de ces 30 exemplaires hors commerce. Moi, j'ai l'exemplaire numéro 25. Et là, on tombe sur... C'est quelqu'un qui a... C'est la personne qui reliait ces livres-là, qui a pris une photo d'elle en train de relier le livre. On voit que le livre est tout en morceaux, puis elle est en train de travailler la couverture. Puis en arrière de la photo, c'est marqué le nom de la personne, puis c'est en grande concentration. Mai 95. Attends. Mai 95. Je sais pas, parce que là, c'est un livre de 1945. Je comprends pas le cadre. Bon. Puis là, il y a des choses. Le livre provient d'une donation particulière de la part de Pierre quelque chose d'Air France, ex-aviateur de 1939 à 1945, qui vivait à Hauteville en France et décéda en juin 1984. Nouveau propriétaire, là, il y a le nom de la nouvelle personne, puis là, a mis des papiers. Voici, c'est écrit en lettres attachées, puis c'est dur à lire. Voici une photo à joindre au titre de Laurent afin de... Ici, il est à la... Je sais pas les papiers. Et la reliure... Oh, je lis un autre des papiers. Et la reliure en a été réalisée avec authenticité et le meilleur soin, savoir-faire de Jean-Nic Corriveau, qui l'aimait beaucoup, afin de remercier Laurent et Pierrette de leur merveilleuse et inoubliable accueil dans les Laurentides en automne 94. Ah, ok, je comprends maintenant. La photo date de 95. C'est quelqu'un qui a relié. C'est un livre qui est fait en nombre limité et qui a été comme relié en plus par quelqu'un. Bon, de quoi ça parle? Bon, c'est un livre qui a des belles images, on dirait que c'est dessiné à la main. Ça illustre le livre de Doi Tozuki. Bref, c'est un livre qui est magnifique. Si je regarde sur Wikipédia, oui, c'est ça. Fyodor Mikhailovich Doi Tozuki, né le 11 novembre 1821 à Moscou, est mort le 9 février 1881 à Saint-Pétersbourg, est un écrivain russe, considéré aux côtés de Léon Tolstoï comme un grand romancier russe. Il a influencé de nombreux autres écrivains et philosophes. Bon, moi, je le connais pas. Bon, j'ai fait sciences pures au cégep. Si j'avais fait sciences humaines, sûrement que j'en aurais entendu parler. Là. On faisait pas tant de philosophie en sciences pures. On en faisait, mais on, en tout cas, si on a fait Dostoïevski, je m'en souviens pas. Donc, j'avoue mon ignorance, je ne connais pas cet homme. Mais mon livre ancien se vend à un prix mirobolant sur Internet, plusieurs centaines de dollars. J'imagine que c'est parce que c'est une édition là, qui a été reliée à main et qui a été tirée juste à 30 exemplaires. Là. Donc, on va refermer le petit ruban noir. On va bien conserver le livre. Bon, ben c'est ça. OK, un autre gros livre que j'ai. Bon, j'adore les gros livres rouges. Celui-là, 3 mois à Belle-Île-en-Mer, journal d'une jeune fille. Il n'y a pas de date, mais je suis allé voir sur Internet. Marie-Évangéline Prudence Jouan était une poétesse française. C'est elle qui a écrit. Elle naquit à Palais sur l'île de Belle-Île-en-Mer le 17 avril 1857. Et ce livre semble se vendre aussi quelques centaines de dollars, d'après ce que je vois. Elle est morte en 1910, donc c'est un livre qui a été écrit avant ça. Là maintenant, évidemment, on trouve des réimpressions pour 20$, car les droits sont échus. Mais, bon, je pense que mon livre, même s'il n'y a pas de date dans mon livre, je pense qu'il est assez vieux, c'est écrit dedans, « Premier sérif in quarto ». Puis, qu'est-ce que Wikipédia dit là-dessus? Ça dit « l'incarto », également noté « in 4o » ou « in 4 » est une forme de livre où la feuille imprimée a été pliée 2 fois, une dans chaque direction, donnant ainsi 4 feuillets, soit 8 pages. L'incarto est plus ou moins grand selon l'étendue de la feuille, blablabla. Au 18-19e siècle, les incartos ont un format voisin de nos actuels papiers A4. Il était courant qu'une même œuvre à grand rayonnement soit publiée in 4O et in 12. Donc, d'après moi, avec les termes utilisés dans mon livre, c'est quand même assez vieux. Et de toute façon, ça se sent quand je sens les pages du livre. Ça sent le vieux moisi. Donc, allez, on se lit un petit bout pour savoir ce qui se passait à Belle-Île-en-Mer. C'est comme le journal d'une jeune fille là, qui écrit... qui a écrit ce livre. Me voici à Belle-Île-en-Mer, l'île bien nommée que le poète Saint-Armand a chantée, que les seigneurs de Gondy et Fouquet ont habité, où je vais résider pendant ces 3 mois que durera l'absence de mon père. Parti avec l'escadre, ça doit être avec des militaires, pour les côtes d'Afrique sur le formidable, ce beau cuirassé dont il a le commandement. Et c'est pour ce cher papa que je tiens à écrire ce journal. Il nous fait lire de si jolies relations de pays lointains que je veux aussi lui en donner une à son retour. Peut-être ai-je reçu de lui ce don d'écrire qu'il possède si bien. Et dans ce cas, comme il ne faut pas laisser la lumière sous le boiseau, je vais essayer de l'intéresser et de le charmer, ce père aimé. Je suis toujours sûr de son approbation. Que mon style soit plus ou moins concis et harmonieux, il trouvera l'œuvre parfaite puisque celle-ci, puisqu'elle sera celle de sa fille. Donc, pas d'appréhension et commençons la narration dans cette chambrette étrange que j'habite aujourd'hui au Fort Bugle. Cela n'est pas banal de dater ces impressions de ce fort destiné tout d'abord à la défense. En face de la batterie de Vauban, le grand ingénieur fit élever sur la falaise et dont il ne reste que les ruines. Ah, que oncle et tante Myrtille ont eu raison d'acheter ce fort déclassé qu'ils ont si délicieusement transformé en habitation champêtre. Mais n'anticipons pas. La description du domaine viendra à son âme. Voilà, j'arrête là. C'est quand même intéressant. Le Fort Bugle, où cette jeune fille a passé ses 3 mois, c'est maintenant, j'ai été voir sur Internet, c'est un bâtiment historique. Si on regarde les photos actuelles, personne ne voudrait habiter là. Il n'a pas été entretenu, il est en décrépitude. Mais bon, cette Eva Joanne a séjourné à son époque là-dedans, dans des conditions, quand le fort était dans de meilleures conditions. Donc, si vous voulez toute l'histoire, là, vous viendrez chez moi pour feuilleter le livre ou sinon vous le commandez sur Internet. Bon, j'ai quoi entre les mains maintenant? De 1926, Croyances et superstitions, collection Montcalm. Bon, pas très intéressant. Un autre de la même collection, 1913, collection Montcalm, l'histoire du Canada. Là, c'est le fun. On apprend la vraie histoire dans ce livre-là de 1913. C'est l'histoire des Indiens. Bon, j'ai pris une petite pause le temps de lire le livre, de regarder qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là. Là. Ce livre, comme je vous disais, 1913, donc il y a 110 ans. Puis évidemment, c'est avec les textes de l'époque, avec les mots de l'époque. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant? Quelque chose qu'on... Écoute, moi, j'ai eu des cours d'histoire, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Par exemple, on parle ici des sauvages, les aborigènes de l'Amérique du Nord. Au commencement du 17e siècle, il y avait un grand nombre de peuplades sauvages dans l'Amérique du Nord. Elles descendaient des 5 souches suivantes. Donc, il y avait les Huron-Iroquoises, après ça, souche algonquine, souche dakotienne, après ça, les Mongolides, après ça, les Esquimaux. Puis là, il y a un tableau qui explique, moi, j'ai jamais vu ça en histoire, et qui nous montre c'était quoi ces peuples-là, les 5 souches. Donc, si on regarde en détail, première souche, les Hurons-Iroquois. Eux, ils se divisent en 3 souches. Il y a les Iroquois, ils comprenaient 5 tribus formant une vaste confédération, les Agniers, les Cheyoutes, les Onontagués, les Goyo-Gouins, les Tsonon-Touan. Ils habitaient le territoire s'étendant depuis la rivière Hudson jusqu'à la rivière Mohawk du côté de l'ouest, aussi dans l'état de New York jusqu'à la rivière Niagara. Ensuite, toujours dans les souches Huron-Iroquois, on a les Neutres. Ils sont de même nation que les Iroquois, mais en général, ils évitent de prendre part à leur guerre. Ils sont groupés au nord du lac Erie et dans l'état de New York, à l'est de la rivière Niagara. Et finalement, les Hurons, ceux-ci occupent la région située entre lac Simcoe et la baie Georgienne. Ils ont des villages entourés de palissades et ils cultivent la terre. Bon, ensuite, on trouve dans le deuxième groupe, deuxième souche, les Algonquins. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Abénakis dans le Maine, les Micmac ou Souriquois dans le Nouvelle-Écosse et la partie est du Nouveau-Brunswick. En troisième, il y a les Itchemins ou les Malécites dans l'ouest du Nouveau-Brunswick. Les Montagnais au nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la paix du Tson, en arrière de Tadoussac, donc ce que c'est chez nous. Bon, les Montagnais, déjà entendu parler de ça. Les Atikameks au nord du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la baie du Tson en arrière de Trois-Rivières, encore chez nous. Les Nipissing autour du lac de Nomi. Septième, la petite nation sur la rive nord de l'Outaouais. Ensuite, les Outaouais et les Ojibwés, entre les lacs Michigan supérieurs. En 9e, les Renards, les Sacs, les Menomènes et les Winnebago, à l'ouest du lac Michigan. Ouais, Winnebago, je connais ça, là, c'est un véhicule récréatif. Ensuite, en 10e, les Illinois, les Erie et les Miami, dans les États du Michigan et de l'Ohio. En 11e, les Boutiques ou les Indiens rouges à Terre-Neuve. Troisième groupe, on en a cinq groupes, on continue. On a les Sioux à la source du Mississippi, les Assinoboués groupés sur le territoire à parler aujourd'hui le Manitoba, les Cree qui étaient groupés encore plus à l'ouest, les Chippeways qui occupent les régions arides situées autour des lacs Grands Esclaves et Athabasca. On trouve maintenant quatrième groupe, c'est les Mongolides. Ils occupaient les régions situées au-delà des montagnes rocheuses. Il comptait des grands nombres de tribus. Bien, montagne rocheuse, c'est chez nous, ça fait qu'on avait des Mongolides. Ou on appelait les Mongolides parce qu'ils ressemblaient aux Mongols du nord-est de l'Asie. Ah. Finalement, le groupe des Esquimaux, ils habitaient les régions au nord, à partir du Labrador et de la baie du Son jusqu'à l'intérieur de la zone arctique. Fait quand même, moi, je sais pas pourquoi ils nous apprennent plus, ils apprennent plus ça à l'école, tu sais, tous ces détails-là. C'est quand même intéressant. Bon, puis là, j'ai dit le mot sauvage ou indien. Là. Je sais que c'est plus, on n'utilise pas ces mots-là, là, mais écoute, moi, quand on était jeune, là, c'était les mots qui étaient utilisés à la télévision. Là. Quand j'écoutais des films, des vieux films de cowboys, là, les cowboys, qui attaquaient? Ils attaquaient les sauvages. Après ça, un peu plus tard, ils attaquaient les indiens. Puis là, maintenant, les noms ont changé. Là. C'est un peu, c'est pas grave, là, même si on utilise. Quelqu'un comme moi, j'ai encore, par exemple, le mot nain. Je sais que c'est rendu petite personne, de petite taille, pas grande, mais bon, j'utilise encore le mot nain. Bon, finalement, qu'est-ce que. Pourquoi je parle des nains? Bon. Je voulais. Une dernière affaire intéressante dans le livre d'histoire. Bon, évidemment, il y a l'histoire de Québec, là, les combats des plaines d'Abraham, nanana. Ça, c'est le bout qu'on entendait à l'école, qu'on se souvient. Mais. Il y a aussi la capitulation de Montréal. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Le 8 septembre, là, je sais pas, on est en quelle année dans cette histoire-là. Là. Ça doit être la même année que la capitulation. Ça doit être en. C'est en 1760. Voyons donc. Capitulation de Montréal. Le 8 septembre, les trois armées anglaises, comptant à peu près 18 000 hommes et soutenues par une bonne artillerie, se préparèrent à attaquer Montréal qui n'avait qu'à leur opposer qu'une faible garnison de 3 500 hommes. Fait que ça, c'est les Français qui défendent Montréal. La ville était entourée de pauvres murs. Aussi, M. de Vaudreuil, après avoir tenu un conseil de guerre, résolut de capituler aux meilleures conditions possibles. Le général Amherst accorda, ça c'est les Anglais, accorda la capitulation proposée, mais il refusa aux troupes les honneurs de la guerre. Le chevalier de Lévis se retira, dit-on, dans l'île Sainte-Hélène avec les 2000 hommes qui lui restaient. Fait que là, il a envoyé les Français qui restaient sur l'île Sainte-Hélène et ne voulut point rendre honte une hoc. Fait que lui qui s'est exilé sur l'île Sainte-Hélène, il n'a pas voulu donner son épée. Non! Cependant, sur un ordre formel de M. de Vaudreuil, il posa les armes en commandant qu'on fit brûler les drapeaux, ce qui fut exécuté. Bon, ils ont brûlé le drapeau. Par la capitulation de Montréal, les Canadiens gardèrent le libre exercice de leur religion. Ils conservèrent aussi leurs lois et leurs propriétés. Toutes les places occupées par les Français furent évacuées sans délai et livrées aux troupes de Sa Majesté britannique. Les troupes françaises s'engagèrent aussi à ne point servir pendant le reste de la guerre et devaient être transportées en France, de même que le gouverneur, l'intendant et leurs employés. Ainsi passa de la domination de la France à celle de l'Angleterre, une colonie française qui avait déjà un siècle et demi d'existence, une région aussi vaste que l'Europe, appelée sans doute à renfermer au cours des âges une des grandes nations du monde. Fait que finalement, ça c'est comme la dernière étape. Ce qui s'est passé, c'est à Québec, là, la bataille. C'est le début, puis la fin, ben ça s'est fini à Montréal. Quand eux ont eu capitulé, ben là, fini. On venait de passer sous le joug de l'Angleterre. Voilà. Bon, je trouvais ça intéressant. Un livre d'histoire qui a plus de 100 ans. Bon, on termine avec un autre que je ramasse ici. Ça s'appelle. Là, c'est. Oh, lui, il est immense, OK? C'est comme un. Grand comment? Du bout de mon doigt jusqu'au milieu de mon coude. Ça s'appelle L'Aventure. C'est quelqu'un qui a relié dans un gros livre les journaux des journaux de 1928 du journal L'Aventure. Ça, il y en avait plusieurs chez Renaissance. Combien qu'ils vendaient ça? J'ai encore le prix dans le bout. Je me rappelle pas. Je pense que c'était 4,25. Puis là, j'ai hésité, là, parce que moi, à un moment donné, j'en ai assez de ces livres-là. Là, en plus, il est rempli de vieilles bandes dessinées, là, des comics. Bon, là, je sais pas si je regrette ou non. J'ai vu qu'ils sont disparus. Mais c'est ça, c'est un journal, puis il remplit. Vu qu'il s'appelle L'Aventure, il propose plein d'affaires qui sont liées à des choses dans le monde. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a l'aventure dans le monde. Qu'est-ce qu'on voit, par exemple? Un pêcheur qui n'a pas perdu sa journée. Tu vois un gars qui est d'un bateau, puis autour de lui, il y a deux, trois requins d'accrochés. Le gars, il attrape des requins, puis il les ramène chez eux. C'est marqué « La pêche aux requins ». Bon, ça, c'est quand même intéressant. Puis c'est toutes des belles photos, mais en noir et blanc. Ben, les photos, ils sont comme bleutées. Il n'y a aucune couleur, là. C'est du 1928. Bon, il y a une histoire ici. Puis là, ce que j'ai remarqué, c'est que les histoires se répètent. Mais se poursuivent d'un livre à l'autre. Là, dans celui-là, c'est marqué l'histoire, c'est « La cité des premiers hommes, 90 jours au centre de la Terre » par Maurice Champagne. Fait que c'est quelqu'un qui a fait une histoire comme Jules Verne au centre de la Terre, ce qui est quand même beau. Là, on voit comme dessin là, pour l'histoire, c'est un gars et une femme qui ont l'air au centre de la Terre. Puis là, dans les airs, il a l'air d'avoir un ptérodactyle qui ressemble aucunement à un ptérodactyle. C'est plus un corps de corbeau avec des grosses ailes. Et ensuite, il y a un genre de monstre du Loch Ness. Ensuite, il y a un radeau avec une cheminée. Fait que ça ressemble vraiment à l'histoire de Jules Verne, mais réécrit par quelqu'un, par une autre personne qui l'a copié un petit peu, hein? Bon, OK, on va tourner les pages. Qu'est-ce que j'ai? Les lanciers anglais célèbres pour leur... Là, il y a une page plein de photos. Là, on voit des gens des lanciers anglais qui sont célèbres pour leur prouesse à cheval, exécutent avec brio et enthousiasme une charge arabe au triple galop. Donc, c'est des gens qui s'amusent à reproduire les guerres d'antan. Là, tu as des gens qui jouent au polo. Tu sais, le jeu de cheval, là, que tu tapes une balle, mais là, c'est pas en polo, il joue en moto, puis c'est un ballon de la grosseur du basketball. Ça se dit, c'est marqué un instantané d'une partie de polo en moto, au moment où la bataille est particulièrement âpre devant les buts. Ce jeu se joue en 4 périodes de 10 minutes, et on y fait parfois du 130 à l'heure. Ah, c'est quand même intéressant. Bon, après ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le livre, j'ai beaucoup, beaucoup de journaux là-dedans. Oh, un tremblement de terre à Paris. Ah, ça, c'est une histoire, c'est pas une nouvelle. Bon, aventure et invention. Les pansements de toile d'araignée. Il est de vieux préjugés qu'on ne saura trop combattre. Parmi ceux-là, il faut citer l'antique habitude d'appliquer sur les blessures en guise de pansement la toile d'araignée. Les toiles d'araignée sont des réceptacles de microbes que transportent l'air ou les mouches et on ne saurait mieux choisir pour s'inoculer des maladies infectieuses. Et... il y a des braves gens qui, sous l'empire de certaines superstitions, vont jusqu'à recommander surtout l'emploi des vieilles toiles pendant au sommet des écuries. Or, celles-là peuvent provoquer le tétanos, comme on a eu l'occasion d'en enregistrer plusieurs exemples. Fait que ça, c'est un peu comme les défis TikTok des années 1920. Là. Fait que, tu sais, maintenant, là, à cette heure, faut manger de l'affaire pour la vaisselle. Là. Mais eux autres, ça aurait fait le défi de TikTok, ça aurait été d'aller chercher, de se couper, puis de mettre des vieilles toiles qui traînent dans la grange. Aïe, aïe, aïe. Bon, un autre, c'est intéressant, ça. Suppression des mauvaises odeurs. On le lit ensemble, j'ai aucune idée de ce qui est écrit. Pour supprimer les mauvaises odeurs qui exhalent souvent des éviers de cuisine, odeurs qui proviennent ordinairement des résidus graisseux, des restes de plats et de l'eau de vaisselle, le moyen le plus simple consiste à verser dans les 10 éviers des eaux tenant en dissolution des substances alcalines communes telles que l'ammoniac, la soude, la potasse. Ces matières... Bon, OK. Oh, astrologie sur la durée de la vie humaine. Les astrologues distinguent 4 sortes de morts. La mort naturelle, la mort demi-violente, causée soudainement par un choc dans l'intérieur du corps. La mort par violence simple, lorsqu'elle est l'effet d'une force étrangère comme le feu, l'eau, un coup ou un coup d'épée. Ah, c'est bon ça? Quatrième, la mort par violence publique, lorsqu'elle est l'effet d'un supplice, d'une exécution. Ouais. Wow. OK. Bon, on continue. Le tour du monde en triporteur. C'est quoi ça, là? C'est des bandes dessinées, mais c'est pas un triporteur là, à gaz là, que les grands-parents utilisent, non. C'est marqué « Vol au vent, remonte le Niagara ». C'est une histoire, c'est comme les comics. Là, on voit quelqu'un, on voit un monsieur avec une pipe. C'est marqué « Le jour de la tentative est arrivé ». On vend les places à prix d'or. On voit des gens qui sont dans l'eau, ça. Ah, oh, ça a l'air d'être les chutes du Niagara. C'est comme si que quelqu'un va sauter en bateau, en baril. On vend les places à prix d'or. Le tri volant arrive devant la foule. Le tri volant, c'est un genre de bateau. Ben, c'est une caisse, puis il y a trois personnes à bord. Là, il y a un monsieur qui dit « Ah, ah, ah, c'est drôle. Ils vont se tuer. Je parie 5 000 $ à vos... À vous, bon, mais c'est écrit à vous que ces garçons vont se noyer. Le tri nage jusqu'à la cataracte. Fait que là, les trois qui sont dans l'affaire, ils s'en vont pas au-dessus des chutes pour te tomber dedans, ils s'en vont dans le bas des chutes. Puis là, c'est marqué, ils remontent allègrement. Fait qu'ils remontent les chutes, ils sont tirés par des corbeaux. Pendant que là-haut, non, c'est pas des corbeaux. Pendant que là-haut, les aiglons se donnent du mal, victoire, le Niagara est remonté. Fait que c'est comme une blague de faire l'inverse de ce que les gens faisaient. Là. T'sais, on sait que les gens ils descendaient les Niagara en baril, mais là, ils remontent. Puis le triporteur, c'est un bicycle dans lequel ils transportaient de la glace. Là, et c'est un bicycle à trois pattes, puis il y a une grosse boîte, puis il y a trois personnes dedans. Voilà. OK, on regarde la page couverture de l'Aventure, 9 août 1928. Le journal coûtait 75 sous. Puis là, il montre, c'est des photos qui viennent de partout dans le monde, en noir et blanc, évidemment. Puis là, il y a une photo, on voit un chien avec des lunettes, puis un monsieur scientifique habillé avec des lunettes aussi. C'est écrit, on a installé en Angleterre un sanatorium pour lévriers, où on leur fait jusqu'à des traitements par rayon. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ici, je vois deux singes habillés un singe habillé en homme, un singe habillé en femme. C'est écrit « Deux singes assez bien dressés tournent un film à Hollywood ». Que faut-il penser des fameux animaux calculateurs? Vous avez tous vu certainement au cirque ou au musical des animaux savants qui répondent aux diverses questions que leur pose Barnum. Généralement, ce sont des chiens. Ils frappent avec leurs pattes le nombre de coups correspondant à des chiffres et ils paraissent ainsi trouver la solution de problème. Bon, on peut dire qu'il y a des animaux calculateurs depuis qu'il y a des hommes sur la Terre, car il y a des animaux calculateurs depuis qu'il y a des saltimbanques. Bon, c'est très intéressant. Oh, on a la suite de la cité des premiers hommes. L'histoire de tantôt, là. Résumé des chapitres précédents. On va juste lire le résumé et voir si c'est comme Jules Verne. Deux bandits australiens poursuivis par des policiers rencontrent des savants français qui explorent un lac souterrain sur un radeau. Mais soudain, le niveau du lac baisse et le radeau s'enfonce peu à peu vers les entrailles de la terre. Au bout de quelques semaines, ils sont à 40 km de profondeur. Jacques, un des jeunes Français, part en canot pour explorer d'immenses galeries qui sont sûrement dues à des êtres humains. Attaqué soudain, il se bat avec d'effroyables monstres antédiluviens, s'évanouit et se retrouve soudain dans une chambre bleue où il retrouve, sans comprendre, comment tous ses camarades. Fait que, ouais, ça ressemble un peu à Jules Verne. Oh, devenez ingénieur comme moi. Dessinateur ou mécaniciste, une publicité, étude facile, attrayante, rapide, chez vous, l'école supérieure d'automobile, programme général gratuit. Oh, on pouvait devenir ingénieur de la maison. Ça a l'air d'être un journal français. Ouais, c'est pas un journal canadien, ça. Oh, un beau petit chat. On arrive à faire jouer la comédie à des chats. Voici un malade. Fait que là, c'est des photos de chats. Habillé en personne, ben pas habillé, là, mais déguisé. Attends, j'essaie de retourner à la page. Ben finalement, c'est un peu comme dans Facebook, là, les photos de chats là, qu'on voit. Mais là, il y a des chats cute à côté d'une bouteille de sirop. Une photo ici, voici une brave dame qui s'apprête à manger, comme ici, une tranche de melon. Un chat qui a un chapeau de macramé sur la tête avec une petite jupette. Puis qui mange du melon. Un chien, un bulldog, a l'air fort intéressé par la lecture d'un journal. Mais si le journal était à l'envers, s'en apercevrait-il? Fait que là, ils ont fait une photo drôle d'un chien. Ils ont mis des lunettes, mais ils ont mis le livre à l'envers pour faire la joke. Et voilà. Ça, c'est des anciens Ancien vidéo YouTube de chat, de chien. Bon. OK, OK. Faut que j'arrête là, de vous lire ça. C'est pas intéressant. OK. Mais, j'ai le goût encore de trouver une page intéressante. Une dernière. OK, j'en ouvre une au hasard. Oh, je suis ouvert sur la page principale. Là. Je suis rendu 27 septembre 1928. 75 sous. Je continue à tourner. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Non, l'histoire. Oh, il y a ici. Corne d'or, le guérisseur. C'est l'histoire d'un pot rouge. C'est quand même intéressant. OK, je vous lis dernière photo pour qu'on arrête ça là. On voit une photo d'un genre d'avion qui est écrasé. Ceux qui restent d'un avion après une chute en forêt et où ceux qui le montaient trouvèrent la mort. OK, je vais être obligé d'arrêter là. Il n'y a plus rien d'intéressant. Mais j'en trouve pas en tout cas. Des vieux journaux. Je dois vous dire, j'en ai beaucoup. Là, j'ai une boîte au sous-sol. Puis ça fait des années. Je me souviens que j'étais jeune. Jeune, là, 13 ans, disons. Puis j'allais à la cathédrale de Chicoutimi quand c'était le temps du marché aux puces du carnaval. Puis il y avait toujours des gens qui vendaient des vieux journaux pas chers. Puis je repartais avec un sac plein. Puis ces vieux journaux-là, des années 1800, 1900, là, c'est toujours intéressant à lire. C'est fragile, mais on voit des choses qui font pas de sens dedans. Puis je me rappelle qu'on était allé à Val-Jalbert. Je sais pas si je vous ai déjà raconté cette histoire-là. Val-Jalbert, c'est le village fantôme là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est un village que tu peux visiter. Je me souviens pas pourquoi le village a été abandonné. Je me souviens qu'il y a une grosse chute, puis c'était des hommes qui travaillaient là. Ils devaient travailler le bois, là, puis ils devaient avoir un moulin assis. Mais on était allé visiter Val-Jalbert une fois avec mes parents. Puis tu pouvais faire un tour de cheval, nanana, puis après ça, tu pouvais aller faire le tour des maisons. Puis il y avait une des vieilles maisons qui était ouverte. Il avait oublié de barrer, puis on est comme rentré dans la maison. Puis là, on s'est aperçu que la tapisserie de la maison avait été faite avec des vieux journaux. Fait que là, on s'est comme ramené des souvenirs. On arrachait la tapisserie à l'intérieur, puis dedans, c'était quoi? Ben c'était des vieux journaux qui étaient intéressants à regarder, tout ça. Mais en tout cas, ça c'est un beau souvenir là, d'être rentré un peu illicitement là, dans une vieille maison à Val-Jalbert, là, qui est un village que les gens y protégeaient. Là. Puis nous, on arrachait la tapisserie pour ramener des vieux journaux. Voilà, ça conclut le ménage dans mes vieux livres. Je sais pas si mon frère il se rappelle de ça, il devait être trop jeune, en tout cas. Donc, ça conclut le ménage dans mes vieux livres. Bon, je vais aller les replacer avec mes autres, j'en ai quand même d'autres là, qui sont classés dans mes armoires. Je me dis toujours quand je vais mourir, puis là, ceux qui vont rester vont fouiller dans mes affaires, ils vont être découragés de ce que j'ai ramassé. Mais bon, si mes enfants, là, si vous écoutez mon podcast, ben vous comprendrez que j'adorais ça, acheter des vieux livres. Puis si vous pouvez, ben vous les donnerez à quelqu'un qui aime ça. Vous n'êtes pas obligé de les revendre. Là. Juste leur trouver une nouvelle maison. Ou sinon, juste prendre mon vieux piano, parce que lui, c'est sûr, je le garde. Vous pouvez le vider, puis le transformer en meuble, puis mettre les vieux livres dedans. Ça pourrait être joli. Vous pouvez même conserver mes cendres dedans. Ou si vous me faites empailler, là, juste me mettre dans le fond du piano. Donc voilà, j'ai fini et on se revoit lors d'un prochain Lobster. Bonne semaine! Énergie positive, hein? Tous les jours de 12h30 à 14h30. En direct de Kiko Moffler, 85-32, 9e avenue. Je m'appelle Juan Francisco de Jesus, alias Kiko. Je suis mécanicien et en même temps, j'anime mon émission de radio en direct de mon studio, elkiko.com, dans mon propre garage. J'ai commencé à partager les deux métiers, la radio et le métier de mécanicien. Ma passion, c'est la radio, mais je sais que je dois travailler. Parce qu'on ne peut pas vivre sans travailler. Mon émission, c'est d'envoyer un message positif. Pense pas que tu n'as pas d'argent. Pense que tu vas avoir la facilité, le moyen de réparer ta voiture. Si la voiture, il y a un problème, on va les réparer. Il faut rester positif. Et chaque moment de la vie, il faut le voir. S'il n'y a pas soleil, il faut t'imaginer le soleil. Moi, je suis toujours positif. J'aime mon métier et j'ai besoin de la radio pour donner qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Garage Kiko Moffler, votre spécialiste en silencieux à Montréal. La solution al problema del ruido, au service de la communauté depuis 25 ans. Avec ou sans rendez-vous, estimation gratuite. Nous avons les meilleurs prix à Montréal, c'est garanti. Kiko Moffler, la référence à Montréal pour réparation et modification de silencieux. Venez nous voir, on vous attend.